Lévitique chapitre 23. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, les fêtes solennelles de l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations, et ce sont ici mes fêtes solennelles. On travaillera 6 jours, mais au 7e jour, qui est le sabbat du repos, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre, car c'est le sabbat à l'Éternel, dans toutes vos demeures. Et ce sont ici les fêtes solennelles de l'Éternel, qui seront de saintes convocations, que vous publierez en leur saison. Au premier mois, le 14e jour du mois entre les deux vêpres, est la Pâque à l'Éternel. Et le 15e jour de ce même mois, est la fête solennelle des pains sans levain à l'Éternel, vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Mais vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des offrandes faites par feu, et au 7e jour il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez alors au sacrificateur, une poignée des premiers fruits de votre moisson. Et il tournoiera cette poignée-là devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous, le sacrificateur la tournoiera le lendemain du sabbat. Et le jour que vous ferez tournoyer cette poignée, vous sacrifierez un agneau sans tare, et d'un an en holocauste à l'Éternel. Et le gâteau de cet holocauste, sera de 2/10 de fine farine, pétri à l'huile, pour offrande faite par feu à l'Éternel en bonne odeur, et son aspersion de vin sera la 1/4 partie d'un hin. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce propre jour-là, même jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande à votre Dieu, c'est une ordonnance perpétuelle en vos âges, dans toutes vos demeures. Vous compterez aussi dès le lendemain du sabbat, savoir dès le jour que vous aurez apporté la poignée qu'on doit tournoyer, 7 semaines entières. Vous compterez donc 50 jours jusqu'au lendemain de la 7e semaine, et vous offrirez à l'Éternel un gâteau nouveau. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour en faire une offrande tournoyée, ils seront de 2/10, et de fine farine, pétrie avec du levain, ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Vous offrirez aussi avec ce pain-là 7 agneaux sans tare, et d'un an, et un veau pris du troupeau, et 2 béliers, qui seront un holocauste à l'Éternel, avec leurs gâteaux, et leurs aspersions, des sacrifices faits par feu en bonne odeur à l'Éternel. Vous sacrifierez aussi un jeune bouc en offrande pour le péché, et 2 agneaux d'un an pour le sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les tournoiera avec le pain des premiers fruits, et avec les 2 agneaux, en offrande tournoyée devant l'Éternel, ils seront saints à l'Éternel pour le sacrificateur. Vous publierez donc en ce même jour-là, que vous avez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures en vos âges. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras point de moissonner le bout de ton champ, et tu ne glaneras point les épis qui resteront de ta moisson, mais tu les laisseras pour le pauvre, et pour l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, au 7e mois, le 1er jour du mois il y aura repos pour vous, un mémorial de jubilation, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des offrandes faites par feu. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, pareillement en ce même mois, qui est le 7e, le 10e jour sera le jour des propitiations, vous aurez une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par feu. En ce jour-là vous ne ferez aucune œuvre, car c'est le jour des propitiations, afin de faire propitiation pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Car toute personne qui n'aura pas été affligée en ce propre jour-là, sera retranchée d'entre ses peuples. Et toute personne qui aura fait quelque œuvre en ce jour-là, je ferai périr cette personne-là du milieu de son peuple. Vous ne ferez donc aucune œuvre, c'est une ordonnance perpétuelle en vos âges dans toutes vos demeures. Si vous êtes un sabbat de repos, vous affligerez donc vos âmes. le neuvième jour du mois, au soir, depuis un soir jusqu'à l'autre soir, vous célébrerez votre repos. » L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, « Parle aux enfants d'Israël, et leur dis, au quinzième jour de ce septième mois sera, la fête solennelle des tabernacles pendant 7 jours, à l'Éternel. Au premier jour il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours vous offrirez à l'Éternel des offrandes faites par feu, et au huitième jour vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des offrandes faites par feu, c'est une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sont là les fêtes solennelles de l'Éternel, que vous publierez, pour être des convocations saintes, afin d'offrir à l'Éternel des offrandes faites par feu, savoir un holocauste, un gâteau, un sacrifice, et une aspersion, chacune de ces choses en son jour, outre les sabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes les offrandes volontaires, que vous présenterez à l'Éternel. Et aussi au 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrerez la fête solennelle de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera jour de repos, le 8e aussi sera jour de repos. Et au premier jour vous prendrez du fruit d'un bel arbre, des branches de palmier, et des rameaux d'arbres branchus, et des saules de rivière, et vous vous réjouirez pendant 7 jours devant l'Éternel votre Dieu. Et vous célébrerez à l'Éternel, cette fête solennelle pendant 7 jours en l'année, c'est une ordonnance perpétuelle en vos âges, vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez 7 jours dans des tentes, tous ceux qui seront nés entre les Israélites demeureront dans des tentes. Afin que votre postérité sache, que j'ai fait demeurer les enfants d'Israël dans des tentes, quand je les retirai du pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse déclara ainsi aux enfants d'Israël, les fêtes solennelles de l'Éternel.